On commence Inch'Allah Ta'ala directement la série de questions-réponses. Seulement, je voudrais dire deux choses avant de commencer. La première. On vient de m'avertir à la maison qu'il y a beaucoup de coupures de courant ce soir. Beaucoup de coupures de courant. Donc, si vous me voyez disparaître comme ça de temps en temps, ça veut dire que, tout simplement, il n'y a pas de courant. Et quand il n'y a pas de courant, c'est pas la peine de vous dire qu'il n'y a pas d'internet. La deuxième, je vous ai dit plusieurs fois que toujours quand vous rentrez, quand il y a cours et que vous rentrez, ou que vous voyez le salon fermé, non, il faut directement aller où? Aller au site. Au site pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si vous allez au site, vous comprendrez et vous trouverez toujours un message qui dit que je suis absent pour telle ou telle raison. Non. Et ceux qui ont par exemple l'iPhone ou bien ils ont le Galaxy, ils peuvent trouver un message sur Osmo, sur Twitter. Je laisse aussi un message comme quoi voilà ce qui se passe, mais il n'est là subhanahu wa ta'ala. Faites Inch'Allah Ta'ala pour la première question. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Afwan, j'augmente le son. Cheikh, le voisin m'avait dit d'essayer sa connexion Wi-Fi et j'ai oublié de me remettre sur ma connexion. Donc si ça coupe, vous me le dites, Inch'Allah, je me mettrai sur ma connexion. En attendant, première question. Question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum. Bon, on a dit pour le salam, c'est bon. Hafidhakum Allah et qu'Allah vous accorde le Firdaus ainsi qu'à votre famille, les amis et tous les gens présents dans la room. Les croyants, les croyantes, les musulmans et les musulmanes. Amen. La question est, avec ma très chère sœur Fillah, nous parlons très souvent de vous, Allahumma barak alaykum, dans le sens où Allah Jalla wa Ala nous a préservés, et plutôt dans le sens où, par exemple, on dit souvent, Subhanallah al-Azim, comme vous le dites souvent. Est-ce que cela est un mal ou cela est permis? Barakallahu fikum, cher. Donc, est-ce qu'il est permis de vous copier dans certaines de vos expressions? J'attends votre PV, cher, à fois. Voilà, je viens d'ouvrir le PV, Inch'Allah Ta'ala, parce que, pour dire la vérité, j'ai pas tout entendu. Il y avait des mots qui sautaient, que j'ai pas entendu. Et donc, je n'ai rien compris à la question. Les mots nécessaires, je les ai pas entendus. J'ai entendu subhanallah et quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut aller vous répéter ou là, je ne sais pas quoi. Donc, je t'ouvre le PV pour au moins m'envoyer la question. Tafadhal. Cheikh, en fait, déjà, Fouzi, est-ce que ça coupe chez toi aussi quand je parle? La Mohamed. Écrivez un, deux ou la un, en fonction de ce que vous entendez. Et la question, Cheikh, est de savoir s'il est permis de vous de dire les mêmes expressions que vous avez l'habitude de dire. Par exemple, si vous dites souvent Subhanallah al-Azim et qu'on s'imprègne de vous, Allahu A'lam. Alaykoum salam wa barakatuh. De toute façon, premièrement, j'avais pas remarqué que je disais beaucoup subhanallah al-azim. J'avais pas remarqué cela. Maintenant, si vous prenez demander des choses qui vont dans le bon sens, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, donc c'est bien. Là, il faut éviter seulement de prendre de moi des choses yani, qui ne sont pas bien et tout. Sinon, si vous prenez des choses qui sont bien dans le sens où yani, vous les dites pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est une bonne chose, Inch'Allah ta'ala. Naam, tfadhal. De toute façon, je ne savais pas que je disais beaucoup subhanallah al-azim. Peut-être que je le dis, Allah alam, dans le sens de l'étonnement. Je dis subhanallah al-azim. Allah alam. Naam. Tfadhal. puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous un bon modèle. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Non, mais c'est pas ça là. Non, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tafadhal. Barakallahu fikoum, Cheikh. Deuxième question. Le prophète alayhi salam a dit: celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. Alors comment faire pour remercier toute personne qui ferait un grand bien afin de mettre en application cette sunnah, inshallah, qu'Allah vous accorde le firdaus ainsi qu'à votre femme, votre descendance, les admins, les musulmans et musulmanes, jazakumullahu khaira, de faire des doigts pour sa sœur et pour elle, et qu'Allah nous raffermisse dans la voie droite et la sunnah, et aussi pour nos parents. Allah yarhamhum, et guide nos familles dans la voie droite ainsi que croyants ajma'in. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, de la sœur et de tous ceux qui nous entendent, et de tous les croyants et les croyantes, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à ce qu'on se rapproche de lui, afin que on le rencontre ravi de nous, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire mourir musulmans, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous exaucer nos projets qui sont yani, du bien dans cette dunya et dans l'au-delà. Taïb, reste pour la première question, plutôt le début de la question: comment faire pour remercier et remercier toute personne qui fait un grand bien, etc. Ça suffit, inshallah ta'ala, en nous faisant des doigts. Ça suffit, inshallah ta'ala, en nous faisant des doigts. Ou bien, comme maintenant, par exemple, la personne l'a dit dans une question, elle dit par exemple, barakallahu fikoum pour telle et telle chose. Non. Donc, le prophète alayhissalam a dit: n'a pas remercié Allah, qui n'a pas remercié des gens. Non. Ça, c'est dans le cas, bien sûr, où on peut remercier la personne. Mais des fois, peut-être on la rencontre pas. Des fois, on n'a pas comment la rencontrer. Des fois, on n'a pas de lien avec elle. Alors, au moins, on lui fait des doigts. Au moins, on lui fait des doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que, yani, vous avez voulu remercier, que vous n'avez pas rencontré la personne. Bi-idhnillahi ta'ala. Et des fois, par le moyen de, comme ça, quand on se rencontre sur les questions-réponses. Et l'essentiel dans tout cela, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'ikhlas. De nous donner l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la sincérité. Car comme vous savez que les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer, entre les trois, il y a quelqu'un qui croit, qui zama, yani, il donnait le ilm, etc. Mais c'était juste pour que les gens disent c'est un savant. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'afiyana. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, Cheikh. Question d'une sœur qui dit: qu'Allah mette du bonheur dans votre vie ainsi qu'à tous mes frères et sœurs. Voici sa question: je reçois très souvent de la famille à mon domicile et cela me fatigue beaucoup, et de ce fait il m'arrive de m'en lasser et de me plaindre, car cela a même une répercussion dans mon apprentissage personnel. Je voulais savoir si c'est un mauvais comportement de ma part de réagir ainsi. Jazakumullahu khaira. Donc il y a des mots qui coupent. Donc je lis à la fin pour ceux qui n'ont pas entendu. La personne, donc je résume, que elle dit qu'elle reçoit très souvent de la famille à son domicile, et cela fatigue beaucoup, et qu'elle arrive même qu'elle s'en lasse et qu'elle se plaint. Chez vous les coupures, Inch'Allah. Naam, cela a même une répercussion dans mon apprentissage personnel. Je voulais savoir si c'est un mauvais comportement de ma part de réagir ainsi. Jazakumullah khairan. Naam. Ce qu'a dit la personne est vrai. Yani, toute personne voudrait yani, des moments personnels, des moments de solitude, des moments où elle a besoin d'apprendre, des moments où je voudrais réviser, des moments où je voudrais lire le Coran. Maintenant, si yani, le monde n'arrête pas, ne jette pas de rentrer et sortir, Vous me dites que vous ne m'entendez pas, Jazairi. Vous ne m'entendez pas bien. Alhamdulillah. Non, je disais que cette personne, pour moi, je trouve qu'elle a raison. Enfin, la personne, elle sait comment se programmer, elle sait comment dire, elle sait comment. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais maintenant, si yani, les gens sont déjà arrivés, comme vous savez en islam, yani, on doit faire son possible pour accepter, pour yani, essayer de sourire et pour essayer, yani, pour ne pas laisser, inshallah ta'ala, les ajr partir. Les ajr partir. Naam. Mais si, comme j'ai dit, on lui téléphone d'abord, on lui avertit, elle peut s'excuser, par exemple, quand elle a d'autres choses plus importantes à faire. بإذن الله تعالى نعم تفضل بارك الله فيكم شيخ question suivante la question est pour une sœur mon frère va partir au Hajj بإذن الله et je souhaiterais partir avec lui mon problème est qu'il refuse que je l'y accompagne car il m'a dit que mon argent n'était pas halal la raison est que je détiens un commerce de vente de vêtements et d'accessoires de soirée pour femmes Jusque-là, je ne savais pas que c'était interdit, les vêtements n'étant pas conformes à la charia. Et je compte le fermer rapidement. Ma question est, maintenant que je sais que cet argent n'est pas halal, que dois-je en faire ? Dois-je le donner en aumône ou puis-je l'utiliser pour payer mon hajj et donner une partie en aumône ? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Alaykoum salam wa rahmatullah. La personne a bien dit que elle dit à la fin je détiens un commerce de vente de vêtements et d'accessoires de soirée pour femmes. Jusque là je ne savais pas que c'était interdit. Alors toute personne qui ne sait pas qu'une chose est interdite, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas de péché. Pour la chose, il est possible que la personne pour ne pas avoir demandé la science nécessaire. Car la science nécessaire, talabul ilm farida, comme vous savez. La quête de la science est une obligation. En ce sens, la personne peut avoir des péchés. Mais pour la chose elle-même qu'elle faisait, qu'elle ne savait pas que c'était haram, donc l'argent qu'elle percevait est halal bi-idhnillahi ta'ala. Car elle ne savait pas. Naam. Et le fait de savoir, c'est une des conditions pour délaisser le haram. Il faut savoir que c'est haram. Donc celui-là, je crois qu'elle a dit son père, là, son frère qui ne veut pas l'emmener au Hajj se trompe. Se trompe pour deux raisons. La première, parce qu'elle ne savait pas. Et la deuxième, parce que même si elle savait, lui, il n'a pas de relation avec cela. Lui, il va avoir des hasanats. Pour avoir été son mahram et l'accompagner, c'est tout. Maintenant que Allah Ta'ala accepte son hajj d'elle, on n'accepte pas, c'est autre chose. Ensuite, les savants ont dit le hajj نعم le hajj Cher, salam alaykoum. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous n'avez plus le micro, cher. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je crois que ce soir il y a beaucoup de coupures dans le salon, Allahu alam. Comme je dis, pour le hajj, l'essentiel c'est de voir est-ce que j'ai fait le tawaf, est-ce que j'ai fait sa'i, est-ce que j'ai fait safa ou marwa, est-ce que j'ai égorgé, est-ce que ceci, est-ce que c'est ça. Maintenant, yani, le moyen avec lequel tu es parti, ça c'est autre chose. Le moyen, yani, l'avion ou la pied ou avec l'argent ou bien l'argent volé ou tout ça, c'est autre chose. Frère ici, qui ne va pas emmener de l'âme, elle va changer de commerce. L'âme, Inch'Allah, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Naam. Cheikh Sakoub, Allahu alam. Je vais essayer de vous poser l'autre question car on a compris en fait la réponse, bi'idnillah. Si la sœur n'a pas compris, elle nous tient au courant. La question d'un frère qui dit Hafidhakum Allah, ainsi que les admins et vos familles. Amin. Yachir, peut-on rejoindre une prière en groupe après le salam de l'imam à côté d'un frère qui lui-même l'a commencé en retard et est en train de terminer la prière obligatoire? Il deviendrait donc mon imam. Barakallahu fikum, Allah inawarkum fi dunya wal akhira, tous ainsi que vos familles. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On a posé cette question à Ibn Taymiyyah dans Mujmu' al-Tawa. Il a dit possible. Il a dit que c'était possible. Mais moi, je dis, Inch'Allah Ta'ala, j'ajoute une condition. Il faudrait que la personne naam, avec laquelle tu voudrais rentrer, tu voudrais qui te guide, alors qu'elle a commencé déjà, que tu connais, c'est une personne qui est assez de science. Car si c'est quelqu'un qui n'a pas de science, ou là, un vieux, ou là, tu risques quoi? En rentrant avec lui, tu risques de lui faire fitna. Et à cause de toi, il va arrêter sa salat et il peut même yani, te gronder ou je ne sais pas quoi. Si tu fais ça, il faut faire avec qui? Hein, yani, qui a de la science. Et qui sait que cette cette chose se fait, c'est la première des choses. Et là, on va faire une deuxième. Il va dire pourquoi ils ont fait ça sans me demander la permission, ou alors il ne veut pas prier derrière moi, ou je ne sais pas quoi. Ça peut engendrer des tna, bi'idnillah ta'ala. Tfadlal. Je sors une fois et je reviens pour voir si ça va s'améliorer. Je rappelle juste aux frères et sœurs, en attendant que Cheikh revienne, Inch'Allah, de faire beaucoup de dhikr et d'occuper le temps avec, en occupant sa langue par dhikrillah, à savoir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et tout ce qui s'y ressemble. Barakallahu fikoum. Cher, si vous m'entendez, je vais essayer de poser une autre question. Question d'une sœur qui dit, est-il permis aux femmes d'utiliser l'huile d'argan comme anti-rides? Et est-il permis à une sœur de travailler dans un centre d'appel qui vend ce produit? De même, est-il permis à une sœur de travailler dans un centre d'appel comme opératrice pour vendre des produits en aluminium, etc., sachant que cette boîte offre parmi ses services des solutions d'assurance. Barakallahu fikoum, Cheikh. Donc, alaykoum salam. Pour la première partie de la question, il faut la sauter. Pourquoi? Car je ne sais pas ce que c'est l'huile d'argan. C'est la première fois dans ma vie que j'en entends parler. Il faudrait que je comprenne ce qu'est la chose. Comme on dit en arabe, al-jawab far' an tasawwur. Al-jawab far', c'est-à-dire en français, la réponse dépend on dit en arabe zayt al-arkan. Je ne sais pas, même en arabe, c'est la première fois que j'entends parler de cette huile. Même en arabe, c'est la première fois que j'entends parler de cette huile. Mais je vais demander une seconde à Abdallah. Ensuite, c'est une huile qui est bonne pour plusieurs choses comme le rhumatisme, etc. etc. Une seconde. Hein? On me dit ici que c'est une huile qui se trouve beaucoup au Maroc et que Allahu a'lam, ça vient de l'osmoulouz en arabe, l'osmoulouz en français, l'os, les amandes. Allahu a'lam, on me dit que ça vient des amandes. Allahu a'lam. Donc si c'est comme ça, si c'est vrai que ça vient des amandes, donc où est l'interdiction? Où est l'interdiction? Donc la sœur qui a des ouest sur cette chose aurait dû dire pourquoi. Pourquoi elle a des ouest comme anti-ride. Ah, j'ai pas lu, elle dit comme anti-ride. Seconde, est-il permis aux femmes d'utiliser l'huile comme anti-ride, permet aussi de travailler dans un centre qui vend ce produit. Une seconde. En fait, Cheikh, on pourrait citer n'importe quel produit. Donc, est-ce qu'il est permis d'utiliser cette huile ou tout autre produit qui a comme bénéfice et un aide sur le corps de permettre d'être un anti-ride, en fait. Donc, est-ce que cela est permis en islam? Non, maintenant, j'ai compris. Donc, la question, c'était pas pour spécialement pour l'huile qu'elle appelle ici d'argan, mais plutôt pour, yani, dans quel but elle est utilisée. Dans quel but elle est utilisée. Ce qu'il faudrait savoir, Inch'Allah ta'ala, c'est que l'Allah a voulu et a fait de sorte, yani, sciemment, il a fait de sorte que, arrivé à un certain âge, toute personne doit avoir les signes de vieillesse. Arrivé à un certain âge, toute personne doit avoir quoi? Doit avoir par exemple des cheveux blancs. D'où l'interdiction de les teindre. Naam. Sauf si c'est, bien sûr, si c'est pas avec le noir. Si c'est pas avec le noir, on saura donc quoi? On saura donc que la personne a vieilli, mais seulement elle vient de teindre ou bien teinter ses cheveux. La même chose, les rides. Naam. Toute personne à un certain âge, elle doit yani, commencer à avoir des rides. Maintenant, essayer d'enlever des rides, c'est quoi? C'est aller à l'encontre de ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, sans le vouloir, c'est combattre. C'est combattre naam, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala de vouloir faire de toi une personne qui veut, qui a vieilli, et toi, tu veux montrer que tu as rajeuni, tu n'as pas vieilli. C'est dans ce sens que c'est interdit de faire des opérations, par exemple chirurgicales, si elles sont à but esthétique. Mais c'est permis si c'est à but yani, réparateur, en chirurgie réparatrice, pas esthétique. Naam. Donc je vois, Allah ta'ala alam, que cette huile, si c'est dans le sens d'enlever les rides, etc., c'est, ça va à l'encontre de yani, ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de l'être humain quand il attend. Quand il atteint un certain âge, Wallahu ta'ala alam. Naam. Il y a autre chose dans la question. Maintenant, comment que ça s'appelle? Si cette huile, naam, si cette huile, si on a dit donc que maintenant il ne fallait pas l'employer, dans ce cas, il ne faut pas aussi la vendre, ni participer à sa vente. Ni la vendre, ni participer à sa vente. Naam. Est-il permis de travailler dans un centre d'appel comme opératrice pour vendre des produits en aluminium, etc., sachant que cette boîte offre parmi ses services des solutions. On voit maintenant si la personne qui va travailler dans ce centre, est-ce qu'elle a rapport avec les solutions d'assurance, parce que si ça a rapport avec l'assurance et qu'elle doit faire aussi appel à des gens pour l'assurance, ou bien doit signer des choses, ou bien doit calculer des choses, etc., dans ce cas, elle ne peut pas. Mais si ça n'a rien à voir avec l'assurance, elle travaille dans autre chose, Inch'Allah ta'ala, que c'est permis. Wallah ta'ala alam. Fadlal. Assalamu alaikum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande: je devais me marier avec un frère qui pratiquait sa religion, alhamdoulilah. Mais il a un djinn. Et par moments, il ne se contrôle plus et fait tout ce qui est interdit par l'islam. Ça lui est arrivé deux fois depuis que nous nous connaissons et ça dure un bon moment. Il essaye de faire des ruqyah tout seul quand il est dans son état normal. Des frères lui ont fait des ruqyah aussi, mais ils ont dit qu'il était trop puissant. En ce moment même, il est à l'hôpital psychiatrique. J'ai peur de m'engager avec lui car il peut être dangereux dans des moments comme ça pour son entourage, mais pour son entourage, mais aussi pour lui-même. Dois-je continuer cette union? Que me conseillez-vous, cher? Barakallahu fikoum. Pourquoi j'ai dit à cette personne si chaque vendredi, je lui pose question de ménage, si je travaille dans une banque, elle dit mais seulement je, etc., il lui a dit c'était permis. Pourtant la banque, vous savez que c'est haram de travailler dans une, quelque chose qui n'a pas de relation avec ce qui se passe dans la banque, les comptes, etc., seulement le ménage, etc., il a dit c'est permis. Wallahu ta'ala alam. Quant à cette personne qui vient de parler du frère avec lequel elle veut se marier, qui a un djinn, etc., etc., je ne lui conseille pas de se marier avec lui en ces moments-là, quand il a des crises, etc., quand il n'est pas encore guéri. Mais qu'elle choisisse entre deux choses, qu'elle attende qu'il guérisse complètement, ou bien, yani, les hommes à part lui et les frères à part lui sont nombreux, bi'idhnillahi ta'ala. Car maintenant, si ça lui arrive comme ça, de piquer une crise et qu'il devienne dangereux, Allahu alam, qu'est-ce qu'il peut faire? Surtout s'ils sont seuls dans la chambre. Naam. Et maintenant, ce qui est grave, c'est que elle dit que yani, dans son état, quand il n'est pas normal, il fait même des choses interdites. Je ne vois pas pourquoi m'engager yani, avec une personne où je ne sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher. Et je laisse des personnes yani, qui, inshallah ta'ala, remplissent toutes les conditions. Si quelqu'un va dire, oui, mais lui, mesquin, yani, il a un problème. Comment yani, on l'abandonne comme ça et on va changer, on va aller vers un autre. On va dire, la réponse c'est quoi? La réponse c'est comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Il a dit, s'il y a un problème, on ne va pas en faire deux. On va s'arrêter à un seul problème. Quel est le problème? Son problème à lui. Mais si on dit à cette soeur, va te marier, il va y avoir deux problèmes. Son problème à lui, son problème à elle. Elle n'avait pas des problèmes, maintenant elle en a. Maintenant elle en a, elle a peur, il la frappe, il fait des crises, il ne sait pas, il veut la jeter du balcon, ceci, cela. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Au contraire, quand on l'abandonne, ça veut dire que, alhamdoulilah, on ne veut pas d'autres problèmes. Laissons-le avec son problème et n'ajoutons pas un autre problème à une autre personne. Wallahu ta'ala a'lam. Je demande à Allah Azza wa Jalla, le plus puissant, le tout puissant, qu'il le guérisse et qu'il enlève de lui ce djinn et qu'il chasse de lui ce djinn. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur. Une femme souhaite se marier, inshallah, avec un homme qui veut une seconde épouse. Le temps d'obtenir un logement, le mari et sa nouvelle femme ne se verront que très peu, et les deux sont d'accord pour cela. Mais est-ce que la femme a le droit de renoncer à l'équité du temps passé avec le mari pendant cette période, où les jours devront être rattrapés obligatoirement par la suite, sachant que ça ne dérange pas la femme tant qu'elle n'a pas de logement? Barakallahu fikum, cher. Lors de ces dernières questions, est-ce qu'il y avait des coupures ou là c'était bien? Alhamdoulilah. Donc je vais relire la question, inshallah ta'ala. Une femme souhaite se marier, inshallah, avec un homme qui veut une seconde épouse. Le temps d'obtenir un logement, le mari et sa nouvelle femme ne se verront que très peu. Et les deux sont d'accord pour cela. Mais est-ce que la femme a le droit de renoncer à l'équité du temps passé avec le mari pendant cette période où les jours devront être rattrapés? Taïb, je dis maintenant, si je comprends bien, yani, ils n'ont pas encore fait de acte, yani, ils ne sont pas encore mariés. C'est pour cela que cette chose, yani rattraper les jours ou ne pas rattraper, n'est pas une chose obligatoire pour la femme si elle se désiste. Quand quelqu'un est marié avec deux femmes, si par exemple l'une des deux dit par exemple, tu peux rester chez l'autre un mois, ça fait rien, je me désiste. Alhamdoulilah. Mais le problème c'est quoi? Le problème, s'il reste chez l'une des deux, yani un mois, sans le consentement de l'autre. Dans ce cas, il doit rattraper tous les jours yani, qu'il devait à la première ou à l'autre. Sauf si la personne se désiste. La personne dit, ça fait rien, j'accepte que tu ne me rattrapes pas, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ici, c'est la même chose. S'ils ont fait déjà le aqd, ensuite l'autre, il est tout le temps avec l'autre, et que celle-ci accepte, elle dit, ça ne fait rien, il n'a pas à rattraper pour l'autre, bi'idhnillahi ta'ala, tant que c'est elle qui s'est désistée de son droit. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. Je me sens bien lorsque je prolonge le sujoud pendant la prière. Cependant, il m'arrive trop souvent d'oublier si je suis au premier ou au deuxième dans la raka. Et cela me déstabilise. Je souhaiterais savoir s'il y a des récits des compagnons ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question et quels sont les moyens pour y remédier. On met le fait de dire a'oudou billah min ash-shaytan ar-rajim. Barakallahu fikoum ya cheikh, wallahi nawak. Alaykoum salam, wa barakatuh. Ce que dit la personne s'applique. Yani elle s'oublie dans le sujoud, ensuite elle ne sait plus si c'est le premier ou le deuxième. Cette chose-là s'applique ou bien arrive à la personne qui ce n'est pas de ses habitudes yani, de prolonger le sujoud. Naam. Quand une personne, dans toutes ses salats d'habitude, elle est moyenne, elle ne prolonge pas beaucoup. Ensuite, dans une des salates, elle prolonge. Dans ce cas, elle l'oublie. Elle dit maintenant, je ne sais plus si je suis dans la première, yani sejda, ou bien je suis dans la deuxième. Mais si la personne, par contre, a l'habitude de prier tout le temps comme ça, en prolongeant, ça lui devient une habitude. Elle dit ici, est-ce qu'il y a des moyens pour y remédier? Je ne connais pas. Non, je ne connais pas de moyens pour cela. Je lui dis simplement que, avant de rentrer dans la salat, elle doit yani, se rappeler que elle est du genre qui s'oublie et qui ne sait plus si c'est la première sijda ou la deuxième. Donc, elle doit prendre ses précautions avant de rentrer dans la salat pour que, à chaque fois avant de se prosterner, elle compte. Elle se dit, donc, c'est la première prosternation de la première rakat. Comme ça, pour ne pas oublier. Ensuite, elle dit, celle-là, c'est la deuxième, et comme ça. Sinon, je ne connais aucune, yani, quelque chose des selfs, rien, je ne connais rien des selfs en ce sens, bi'idhillahi ta'ala. Tfadhal. Allahu fikum cheikh. Question d'une sœur. Est-ce que le fait d'offrir des dragées pour les mariages, naissances et les fêtes en général est autorisé? Les jeux concours sur internet sans mise d'argent pour gagner une poussette ou un robot ou autre sont-ils autorisés également ou pas? Barakallahu fikum cheikh à vous ainsi que les admins pour tout le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous en récompense. Amin ya rabbal alamin. Non, pour le fait d'offrir des dragées pour les mariages, naissances et fêtes, etc., est-ce que c'est autorisé? Il faudrait juste voir deux choses. La première, les dragées en eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne comportent rien de haram? Et ensuite, la deuxième chose, est-ce que cette chose qu'on veut faire, c'est une habitude connue chez les gens des livres, par exemple les juifs ou les chrétiens, ou non? Est-ce que c'est une habitude des kofars, ou bien c'est pas une habitude des kofars, et que même les musulmans de tout temps font cela? Par exemple, moi, si vous m'aviez demandé ça en Algérie, je vous aurais dit, je n'ai jamais vu quelqu'un yani, distribuer ça yani, dans les mariages ou là, dans les fêtes. On distribue des gâteaux connus qu'on fait ici à la maison, là qu'on commande ce qu'on appelle des gâteaux orientaux. Ça, c'est connu. Mais pourquoi spécialement dragir l'alam? Donc, vous devez voir si c'est des habitudes, yani, seulement habitudes et connues, que les musulmans font de tout temps, que ce n'est pas spécial. Ce n'est pas spécial aux chrétiens ou là aux juifs, vous le faites. Mais si c'est spécialement, yani, ce sont eux qui font ça, en général, et que nous, on va les imiter, dans ce cas, من تشبه بقوم فهو منهم. Imite un peuple, il est des leurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum cheikh. Question d'un frère. En sachant que laisser pousser les cheveux longs pour l'homme est une sunna d'habitude, comment concilier avec le hadith qui dit que l'on a une récompense pour chaque cheveu qui touche le sol lors du sujoud? Est-ce qu'avec cette intention, cela rentre dans une sunna d'adoration? Wa alaykoum salam wa barakatuh. il n'y a pas de contradiction avec le hadith, n'am, qui parle de chaque cheveu, on a une hasanette, et avec le fait, que c'est seulement une sunna d'habitude. Pourquoi? Car au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens avaient des cheveux longs. Tous les hommes, disons, avaient les cheveux longs. Donc, comme les kofars avaient des cheveux longs, les musulmans avaient aussi des cheveux longs. C'est pour cela, bi'idhnillahi ta'ala, donc, il n'y avait pas de contradiction dans le contexte où le hadith, inshallah ta'ala, a été dit. Dans le contexte où il a été dit. Mais je dis comme Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah a cité une fatwa de Imam Ahmed rahmallah, Imam Ahmed, on lui a dit quelqu'un yani a les cheveux longs, il a dit ça ne fait rien, yani si son intention c'est de suivre le prophète en islam, il a dit ça ne fait rien, c'est pas interdit. Comme ça il a dit Imam Ahmed rahmallah. Mais je dis, il faut pas oublier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Jami' authentique. Il a dit man kana lahu sha'run falyukrim. Il a dit quiconque a des cheveux, ça veut dire veut laisser pousser ses cheveux, qu'il les soigne. Donc, on devrait, inshallah ta'ala, celui qui veut laisser ses cheveux devrait les soigner. Et non pas les laisser comme ça, yani, ça les ébouriffer, etc. Wallahu ta'ala alam, tfadzal. Allah fait comme cher. Je vous invite à lire le message que j'ai mis en rouge dans votre PV cher. Question d'un frère. Cher qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Ma question est, est-il permis de commencer un nouveau rang lors de la prière en groupe par le milieu? Et est-ce de la sunna de laisser un rang vide en entrant l'avant-dernier et le dernier? Entre l'avant-dernier et le dernier. Barakallahu fikoum, cher. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكون بغا انتوندي نعم اون سكوند اون سكوند ان شاء الله تعالى واسمك ابو زيد vient de m'envoyer quelque chose يعني sur le salon etc. qu'il fallait corriger une chose. Est-ce que la personne qui t'a dit ça, est-ce qu'elle est dans le salon la personne? Vérifie si elle est dans le salon la personne. Elle est dans le salon. طيب. Alors la personne qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, je vois pas son pseudo. Donc elle n'est pas dans le salon. Cher. Si elle n'est pas dans le salon, on attend Inch'Allah Ta'ala. Quand elle est dans le salon, je lui réponds Inch'Allah Ta'ala. Donc je réponds à l'autre question. Cher, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Ma question est, est-il permis de commencer un nouveau rang lors de la prière en groupe par le milieu? Est-ce la sunna de laisser un rang vide entre l'avant-dernier et le dernier? Entre l'avant-dernier et le dernier. Abou Zakaria, tu as dit la personne était là. Taïb. Donc la personne a dit que le salon où j'ai dit c'est un salon de Ahbesh, Jahmit, négateur des attributs d'Allah Ta'ala. Attention au salon, science et histoire de l'islam. Il y a une personne qui dit c'est faux. Ils ne sont pas Ahbesh mais Ash'ari. C'est pas la même chose, c'est une erreur que dire ça. Qu'il corrige, c'est urgent. Je dis à cette personne, Barakallahu fik pour la Naseha, mais tu te trompes, Ahri. Ahri, tu te trompes. Naam. Ce sont des Ahbesh. Leur salon est très connu. Il s'appelle La Sagesse est une. La Sagesse est une. Très connue. Le silence est une sagesse. Le silence est une sagesse. Salon de Ahbesh très connu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste changé de nom. Ils ont dit maintenant, on est dévoilé, tout le monde nous connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va changer de nom. On va s'appeler maintenant. Comment on va s'appeler? On va s'appeler Science et Histoire de l'Islam. Non. Et le silence est une sagesse est un salon, je dis, de Ahbesh qui dit Ahbash dit Ash'ari, ça marche ensemble. Mais très connu. J'ai eu des débats avec eux plusieurs fois. Et eux aussi ont fait des cours contre moi. Mais maintenant, ils ont changé de nom. Ils se sont fait appeler comment? Pour y aller, que les gens ne les connaissent pas. Science et histoire de l'islam. Et pour te donner la preuve que c'est le même salon et que ce sont des Ahbash et pas seulement Ash'ari. Si c'était Ash'ari, plus ou moins. Mais Ash'ari, Ahbash. La preuve, une sœur qui était dans, à l'intérieur de ce salon, qui s'appelle, comment ça s'appelle, Science et histoire de l'islam, m'a raconté. Elle m'a dit, je suis entré là-bas, Naam, et on m'a dit que on est des Ahbash, et que Ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Comme ça, ils lui ont dit. Et attention, Bumbaz, attention, Al-Bani, attention, ceci. Les Ahbash, les Ash'ari, jamais ne disent cela. Ce sont seuls les Ahbash qui disent cela. Et pourtant, la sœur, elle est nouvelle. Et elle a su que c'était des Ahbash. Elle a dit, ce sont des Ahbash. J'ai parlé avec eux et ils m'ont mis en garde contre Ibn Taymiyyah et contre les savants et contre Al-Bani et contre ceci, cela. Donc je dis à ce frère, Inch'Allah ta'ala, c'est toi qui te trompes, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Fadl. Cheikh, vous avez la question en PV, vous n'y avez pas encore répondu en fait. Barakallahu fikoum. Est-il permis de commencer un nouveau rang lors de la prière en groupe par le milieu? Justement, le rang commence par le milieu. Le rang, jamais ni à droite ni à gauche, mais il commence le milieu, bi'idhnillah ta'ala. Est-ce de la sunna de laisser un rang vide entre l'avant-dernier et le dernier? Ça, je n'ai pas compris. Cette dernière partie de la question, je n'ai pas comprise. Si quelqu'un peut nous faire comprendre, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante. Question d'une sœur qui dit: Cheikh, lorsqu'on l'on subit une épreuve, à quel moment sait-on que l'épreuve devient insupportable pour nous et que l'on a touché le fond? Le fait de commettre plus de péchés ou des péchés que l'on ne commettait pas avant, notamment par négligence ou par nécessité, est-il un signe que l'épreuve devient trop dure et qu'Allah ne va pas tarder à nous sauver? Barakallahu fikoum, cheikh. Taïb, maintenant la personne dit qu'il connaît la personne, c'est un Ash'ari, connaît depuis des années, et que ce n'est pas Ahbash. Il dit que c'est pas Ahbash. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Il attaque Ibn Taymiyyah, mais ne voit pas sa mécréance. Bah, il attaque Ibn Taymiyyah, mais ne voit pas sa mécréance. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Une seconde. Donc, je vais, Inch'Allah Ta'ala, demander, Inch'Allah Ta'ala, le témoignage d'une personne qui était dans le salon de science, l'âme et histoire de l'islam, et qui dit que ce sont des Ahbash, et qui dit qu'elle a eu des monakachettes avec eux, l'âme, et qui lui ont parlé de Ibn Taymiyyah, qu'ils ont dit que c'était kafir, pas autre chose. Wallahu ta'ala alam. La personne est dans le salon. Je vais lui poser une question, inshallah ta'ala, une seconde. Attendez, j'attends la réponse, inshallah ta'ala. Une seconde. Je vais inshallah ta'ala je vais inshallah ta'ala t'envoyer le afoun te dérider pour que inshallah ta'ala tu nous donnes bi'idnillahi ta'ala yani le témoignage sur le salon bi'idnillahi ta'ala. Une seconde. Bon, je viens donc d'enlever le raid à une personne avec nous qui s'appelle Hinda 17. Et qui, elle-même, je l'ai entendu, yani m'a raconté de mes oreilles, j'ai entendu, l'âme, qu'elle connaît bien ce salon, et qu'elle nous dise, Inch'Allah ta'ala, maintenant qu'ils écrivent sur le salon, qu'est-ce qu'ils ont dit sur une Taymiyyah. Ou là, qu'est-ce que tu connais sur le salon qui s'appelle Science. Moi j'ai dit c'est un Ahbesh, on m'a dit non, c'est pas un salon de Ahbesh. Allah ta'ala dit dans le Coran, wa la taktumu shahada. Ne cachez pas le témoignage. Donc, Inch'Allah, Ukhti, qu'est-ce que tu connais? Wa alaykoum salam, rahmatullah. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ce salon? Toi qui es nouvelle, qui est rentrée, qu'est-ce qu'on t'a dit dans ce salon quand tu as parlé avec les gens du salon? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fadli, Inch'Allah, écris-nous ce qu'ils ont dit. Tayyib, oui, effectivement, lisez avec moi. Oui, effectivement. J'allais souvent dans ce salon. J'étais nouvelle et cherchais la vraie voie. Je pensais que c'était sur la bonne voie, donc elle pensait que c'était un salon, machallah, de salafi, etc. Elle ne sait pas. Mais souvent des frères m'écrivaient pour me dire attention. Ce salon appartient au Ahbesh. Tayyib, à part cela, à part les frères qui ont écrit, qui disent attention à ce salon. Naam. Qu'est-ce qu'il y a sur Ibn Taymiyyah? Ou alors, qu'est-ce que tu les as entendus dire? Puis, quand j'ai parlé avec l'admin, Esma, puis quand j'ai parlé avec l'admin, il m'a donné leur site. Naam, qu'est-ce qu'il y avait dans le site qu'on t'a donné? L'admin, il t'a donné le lien du site. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme site? Ça parlait de quoi? Est-ce que tu te rappelles à peu près c'est quoi le site? Ou bien ça parle de quoi? Oui, ils ont mis une croix rouge sur tous les savants. Esma, Esma. Le site des Ahbesh, qui mettent des croix sur les savants, Ben Baz, Al-Albani, Ben Othaymin, une croix dessus. Asma. Il n'y a que les Ahbesh qui font cela. Il n'y a que les Ahbesh qui font cela. Al-Albani, Fawzan, Othaymin, croix rouge dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas les entendre. Cela, ce sont des... Si ce ne sont pas des kofars, ce sont des égarés. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit c'est des égarés, Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est des égarés. Faut faire attention, hein, faut pas suivre Ibn Uthaymin al-Albani, faut pas les suivre, sont des égarés. Le frère me dit les chiites font ça aussi. Ça, les chiites font ça aussi, c'est vrai. Mais ça veut dire que les habèches ne font pas ça. Il m'a dit, et il m'a dit là, tu as le site et tu as les délits. Non. Puis quand je me suis retiré de leur salon, quand je me suis retiré, c'est-à-dire j'ai plus voulu les suivre. Dit, il m'a recontacté pour me dire que je suis dans l'égarement. Là, il m'a recontacté pour me dire que yani, tu es égaré. El Mohim, et qu'il faut faire attention. Alhamdulillah. Donc, Barakallahu Fiki, Ochte, pour cette. Pour comment qu'on appelle. Pour cette, ce témoignage, Bidinlaï Ta'ala. Et. Nam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous mettre dans la clairvoyance, yani, en quoi on ne s'égare pas. Il suffit que quelqu'un me dise que Cheikh Al-Albani ou l'Ibn Uthaymin ou l'Ibn Baz sont des égarés. Ça suffit que quelqu'un me dise cela bi'idhnillahi ta'ala pour savoir que il est vraiment, que cette personne est vraiment dans l'égarement. Nam, tafadhal ma'alish. Bon, dans tous les cas, ce sont des égarés et il faut faire attention à aller, en allant sur ces sites, que ce soit des Ash'ari ou des Ahbash, dans tous les cas, leur Aqida n'est pas bonne. C'est surtout ce qu'on retiendra. Et Cheikh, il y a en fait, Cheikh, une moitié de question de sœur à laquelle vous n'aviez pas répondu, qui était... Les jeux concours sur Internet sans mise d'argent pour gagner une poussette ou un robot ou autre, sont-ils halal ou pas? Barakallahu fikum Cheikh, à vous et les admins pour le temps que vous nous accordez. Amin. Elle dit, il ne parle jamais de Aqidah, juste de faire. C'est normal, celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Celui qui n'a pas la chose, j'ai pas la Aqidah, je ne peux pas vous apprendre la Aqidah. Je connais pas le chinois, je peux pas vous apprendre le chinois. J'ai jamais étudié médecine, je sais pas ce que je peux vous apprendre médecine. Et comme ça, donc quelqu'un qui a la aqida fausse, il peut pas parler dans la aqida, il a peur de se dévoiler aussi, il a peur de se dévoiler aussi quand il va dire que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, qu'il descend pas, qu'il n'a pas les yeux, les mains, et comme ça. Jouer sur l'internet pour gagner, des fois sur internet. Il te dit, yani, il faut envoyer par exemple un SMS à tel numéro. Non. Et les gens par exemple ne savent pas que en envoyant un SMS, c'est comme si tu as envoyé de l'argent. Non. Plusieurs jeux reposent sur le fait d'envoyer un SMS. Il te dit, envoie-moi, je ne sais pas comment vous appelez vous ça, un SMS, yani, sur téléphone. Il te dit, envoie-moi un message. SMS au numéro, tel numéro. Et toi? En envoyant un numéro, en envoyant yani, quelque chose sur le téléphone, un message, tu as payé et 1 euro, je ne sais pas combien. Donc, tu as participé avec eux à la loterie. Avec quoi? Avec de l'argent. Maintenant, si c'est vraiment, on n'envoie rien, c'est juste un jeu comme ça, et que si on répond juste, on nous envoie une poussette ou n'importe quoi, il faut voir aussi s'il n'y a pas, par exemple, si c'est pas... Les sœurs qui allaient avec les hommes et qui vont se mélanger, etc. Non. S'il n'y a pas ça, et qu'il n'y a pas ce que je viens de citer aussi au début, Inch'Allah Ta'ala, je ne vois pas où est l'interdiction, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Allah fait comme cher. Et le frère, pour la question sur les rangs, dit, est-ce qu'il est permis en fait de séparer entre deux rangs, c'est-à-dire qu'on met le premier rang juste derrière l'imam par exemple, et le deuxième rang sera 2 ou 3 mètres derrière, il ne sera pas juste derrière, on laisse un peu d'espace entre les rangs, donc est-ce que c'est permis de séparer entre les rangs comme ça? Barakallahu fikoum cheikh. Abu Zakaria, là où ça m'a de redire ce que tu as dit, Barakallah, vu que j'étais en train d'écrire. Tfadal. Naam, cher. Le frère demande s'il est permis de laisser une certaine distance entre les rangs, le musjid, enfin pendant une prière en commun, si c'est permis donc de ne pas les rapprocher de trop. On laisse 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et ainsi de suite. Allahu alam. Il n'est pas permis de faire ça sans excuses. S'il y a des excuses, il y a des poteaux au milieu, il y a des choses qui gênent, on ne peut pas faire un rang. D'accord. Mais si c'est sans raison, non. On doit se rapprocher les uns des autres, yani, comme d'après yani, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, on doit se rapprocher l'un de l'autre, naam, surtout pour laisser aussi la place à ceux qui viennent yani, derrière nous, bi'idhnillah ta'ala. Naam, tfadlat. Assalamu alaikum, cher. Question suivante d'une sœur. Tout d'abord, je tiens à remercier Shir et les frères admins. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal les préserve. Amin, barakallahu fikum. Je viens vous poser une question de la part d'une sœur. Voilà, j'aimerais savoir si je peux changer de tuteur. Sachant qu'actuellement, c'est mon grand-père, mais je n'ai pas vraiment confiance en lui. En plus de cela, il a les caractéristiques de l'hypocrite et sa femme m'a confié que des fois, il disait avoir fait la salate, alors que non. C'est-à-dire qu'il en saute. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Salam, la sœur n'a pas dit yani, par tuteur. Hein, des fois, elle confond tuteur et mahram. Qu'est-ce qu'elle veut dire tuteur? La sœur qui pose la question. Yani, pour pas. Elle est mariée et elle a un tuteur ou bien elle part du tuteur qui va la marier et elle lui parle. En attendant d'avoir les précisions, Arfouzi, si tu peux nous apporter les précisions, Inch'Allah, je vous pose la question suivante, cher. Est-il permis de regrouper le Dhuhr avec l'Asr ou le Maghrib et l'Isha, sans aucune raison? Si oui, combien de fois peut-on le faire? Barakallahu fikoum, cher. Dans cette question, ou là la réponse à cette question est une divergence. Là, il y a une divergence. Ceux qui ont dit que c'était permis ont cité un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait cela. Et on lui a dit, allez, tu as fait aujourd'hui une salade spéciale. Tu as groupé deux salades. Il a dit, je vous demande à ma communauté qu'en islam, ça n'est pas le Hajj. Je voulais enlever l'embarras, yani ma communauté. Et il a dit, si quelqu'un a, j'ai eu aujourd'hui, qu'il prie, comme moi j'en ai aujourd'hui, qu'il prie ainsi. Al-Bohem. Et d'autres ont dit, s'il le fait sans excuse, l'âme, sans excuse, il n'a rien, il a dit, je groupe aujourd'hui. Certains ont dit qu'il a fait un grand péché. C'est pour cela que, pour être au milieu, Inch'Allah ta'ala, on doit laisser le groupement entre les deux salates pour y amener le besoin. Je dis, grouper entre deux salates n'est pas, comme croient beaucoup de gens, une sunna du voyage. Car, comme j'ai dit, on peut voyager sans grouper de salates. Et on peut grouper de salates sans voyager en étant à la maison. Par contre, ce qui est de la sunna du voyage ou de l'obligation, c'est de raccourcir les prières. Quant à regrouper entre deux prières, Dhuhr et Asr ou bien Maghrib ou Isha, cela dépend du besoin et ça n'a rien à voir avec le voyage. Des fois, je suis à la maison et j'ai un besoin, je groupe entre les deux. Naam. Et des fois, je suis en voyage, j'ai besoin, je prie chaque prière à l'heure. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question d'un frère. Quelles sont les sunnahs à appliquer pour une femme enceinte durant sa grossesse, ainsi que pour lui faciliter l'accouchement, au niveau de l'alimentation, doua, des actions, etc. Barakallahu fikoum, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Quelles sont les sunnahs appliquées pour une femme enceinte durant sa grossesse pour lui faciliter l'accouchement au niveau de l'aliment des doigts, etc. Franchement, en ce qui concerne l'alimentation, il faudrait demander yani, à des femmes yani, qui ont été déjà enceintes. Non, il faut demander à des sœurs qui ont des enfants, qui ont l'expérience, inshallah ta'ala, et qui savent. Ou alors à des femmes qui ont rapport avec la médecine. Ou alors à lire sur internet. En ce qui concerne l'alimentation, je ne sais pas. En ce qui concerne, maintenant reste, en ce qui concerne pour lui faciliter l'accouchement, hein, il n'y a aucun doua spécial. Même si Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit dans son livre l'Houd qui s'appelle Zad al-Ma'ad, il a dit que on pouvait écrire tel verset avec du ce qu'on appelle za'afran et ensuite se disons se rincer qui en est safran, voilà, et se laver avec le ventre. Nam, il a dit que, et il avait ce verset aussi, il a dit, on lit ce verset, il a dit que ça facilitait l'accouchement bi'idhnillah ta'ala. Je dis, ce qu'il a dit, rahimahullah, c'est un ijtihad. C'est un ijtihad, des efforts de lui. Sinon, il n'y a rien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est plus savant que lui, a dit par exemple que quand quelqu'un a un mal de dents, il a dit, il écrit avec le safran aussi. Il écrit sur sa joue, du côté où la dent lui fait mal. Il écrit un verset. وقيل يا ماء يا أرض بلعي ماءك ويا سماء قلعي وغيد الماء وقضي الأمر استوت على الجودي. Il a dit, on écrit ce verset, il a dit bi'idhnillahi ta'ala, le mal de dents s'arrête. Et pourtant, il n'y a pas ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont comme des efforts. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit dans le verset où Moussa alayhi salam a dit, lorsque Allah Ta'ala a dit de lui, il a dit وَلَمَّ تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنْ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِ سَوَأَ السَّبِيلِ وَلَمَّ وَرَدَ أَمَدْيَنْ عَلِهِ أُمَّتِمْ نَسِسْخُنْ. Enfin, le verset où وَلَوَجَّهَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَمْ a dit عَسَى رَبِّي, puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala أَنْ يَهْدِيَنِ, qu'il me guide سَوَأَ السَّبِيلِ, vers le droit chemin. Allah Ta'ala parlait ici de qui? De Moussa alayhi salam. C'est Moussa qui a fait cette doua. Ibn al-Taymiyyah rahimahullah a dit, regardez, Moussa alayhi salam, quand il est sorti de Madian, yani quand il est sorti de l'Égypte allant vers Madian, une ville qui s'appelle Madian, il a dit, pour ne pas s'égarer, etc., il a fait cette doua. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider dans le chemin. Cheikh Ibn al-Taymiyyah a dit, ce verset, quand quelqu'un se perd dans une ville ou là dans le désert ou là, il le dit, s'il est sincère, Allah Ta'ala va lui montrer le chemin et va le guider. Je dis, pourtant il n'y a pas ça chez le prophète Sassam. Le prophète Sassam n'a pas dit quelque part qu'il dit ce verset. Mais des savants, font des fois comme ça ce qu'on appelle des ijtihad. Et subhanallah al-azim, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ce verset lui-même. De quand quelqu'un se perd, il dit Ya Allah, guidez-moi, montrez-moi le chemin. Il lit le verset, il a dit, je l'ai essayé, ça a marché. Et moi, quand j'ai lu cela, ça fait pas longtemps, 2 ou 3 mois seulement, j'ai été quelque part ici en, à l'ouest d'Algérie, et dans une ville, je me suis perdu, recherché, je ne l'ai pas trouvé. Et juste ça, subhanallah l'adim. J'ai lu ce verset, j'ai fait comme Cheikh Ibn Othaymin, j'ai trouvé, subhanallah l'adim, ça a marché. Pourtant, je dis, il n'y a pas, il y a quelque chose de spécial. Je reviens jeudi. Maintenant, si la sœur veut yani, employer ce verset, ou je ne sais pas, yani, ce qu'a dit Ibn al-Qayyim, par exemple, dans son livre, là, avec sincérité, etc., qu'elle le fasse, inshallah, ce n'est pas interdit. Mais elle ne peut pas dire que c'est sunna et propager la chose et dire qu'en islam, voilà, quand la femme veut accoucher, voilà ce qu'elle lit, etc. Je dis en général, quand une femme veut accoucher, qu'elle fasse beaucoup de doigts, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider comme ça en général et de lui faciliter. Elle demande à yani, s'il y a des gens qui lui font doigts et comme ça, bi'idhnillah ta'ala. Naam. C'est toujours s'il y a quelque chose qui reste ici. Naam. Ensuite, pendant la grossesse, elle voit comment yani, pour quand elle peut plus prier, quand elle peut plus prier debout, comment yani, elle prie assis. Maximum de faire yani, le takbir de debout. On vient de me dire, vous venez de dire 3 fois subhanallah al-azim en 1 minute. Allahu akbar. Donc la sœur qui a dit ça, c'est pas trompé. Non, vous venez de dire 3 fois subhanallah al-azim en une minute. Ça fait rire. Tayyib, je dis que celle qui prie en état de grossesse, qu'elle n'oublie pas de faire le maximum pour dire la chose. Si elle, yani, elle fait la prière assis ou bien dans la position qui lui convient, bi'idhnillahi ta'ala. Ça a coupé lors du dernier mot. Je pense que vous avez fini, cher. Donc je vous pose la question suivante, question d'une sœur qui dit « Désolé pour la longueur, mais c'est compliqué. Ma situation est la suivante, j'ai une très très grande famille, donc beaucoup de cousins, donc l'éloigné, etc. Walhamdulillah, avant d'être guidé par Allah, je parlais avec tous les chers. Et qu'après j'ai vu qu'il a été déconnecté. Jazakallah khair, Akh Mohamed. Pour la peine, je vais dire que tu vends des dates de Saoudia. Ceux qui en ont besoin, ils peuvent contacter Akh Mohamed. Commencez pas à m'envoyer des PV et autres, je fais plus de publicité, hein, c'était spécial. Cher, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Question, cher, à la fois, j'avais pas vu le message. Question donc d'une sœur qui dit: désolé pour la longueur, mais c'est compliqué. Ma situation est la suivante: j'ai une très très grande famille, donc beaucoup de cousins, donc l'éloigner, etc. Alhamdulillah, avant d'être guidé par Allah, je parlais avec tous les membres de ma famille sans exception, proches ou éloignés. Aujourd'hui, j'essaye de faire des efforts dans le din, de suivre le minhaj. Le problème, c'est que je suis marié à un homme extrêmement jaloux. Il ne veut même pas que mes cousins ou mes oncles me passent le salam. Il ne veut pas qu'ils prennent de mes nouvelles, même au téléphone, et cela même en sa présence. Je lui dis que la religion est facile et qu'il faut voir le juste milieu, et qu'il y a la fatwa de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui dit que l'on peut parler en présence d'un mahram avec les gens de la famille, sans abuser dans le parler, mais il ne veut rien entendre. Il me dit que je suis la voix des soufis, et que ce n'est pas ça la sunna de parler à tout le monde, ce qui crée beaucoup de tensions dans ma famille et divise les liens. Donc quel conseil pouvez-vous me donner, Cheikh, car je suis partagé entre mon mari et ma famille, et si je devais choisir, c'est sûr que je choisirais mon mari. Ferais-je une erreur? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis que cet homme ou ce mari n'a pas de science. Et quand elle a cité Ibn Baz rahimahullah, je lui dis que Ibn Baz rahimahullah a même permis de manger en famille. Il a dit s'il n'y a pas de suspicion. C'est et hommes et femmes en famille, s'il n'y a pas de suspicion. Ça se voit que ce mari ne connaît pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment qu'il parlait aux femmes, et comment que les femmes lui parlaient, et comment que les sahaba parlaient aux femmes, et comment que les femmes parlaient aux sahaba. Bien sûr, dans les limites, dans le besoin, dans le cadre islamique, dans le respect, dans. Al-Muhim. Je dis, quand elle dit qu'il est très jaloux, je lui dis que, justement, il y a deux jalousies. Une jalousie que Allah Ta'ala aime et une jalousie que Allah Ta'ala n'aime pas. Celui-là, il a la jalousie que Allah Ta'ala n'aime pas. Vous avez compris? Il a la jalousie que Allah Ta'ala n'aime pas. Allah Ta'ala aime la jalousie quand elle est dans la suspicion, le doute, ceci, cela. Mais, quand il n'y a rien et quelqu'un est jaloux, c'est la jalousie que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas. Donc maintenant, c'est à elle de voir comment patienter avec lui et de voir comment lui montrer les délits, etc., qu'il n'est pas en train de suivre le din, mais qu'il est en train de suivre yani ses passions. Il est en train de suivre ses passions et il est en train de légiférer, de dire ça c'est halal, ça c'est haram, comme ça de sa tête, et qu'il n'est pas en train de suivre le din. Ensuite, dis-lui que s'il est véridique, alors qu'il applique le verset qui va suivant, que je vais citer. Une seconde. Je vais lui citer un verset. Regarde le verset proche. Ya ayyuhalladhina amanu atti'u Allah wa atti'u rasulakum fa in tanaza ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Regardez en français. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Qui détient le commandement? L'ulama et l'omara, les savants et les gouverneurs. Puis, si vous disputez en quoi que ce soit, voilà le témoin. S'il y a une dispute entre moi et mon mari ou quiconque, alors viens qu'on la renvoie à Allah et aux messagers. Si vraiment on croit en Allah et au jour dernier. Toute personne. Quand je me dispute avec elle, si vraiment elle et moi, on croit en Allah et au jour dernier, alors qu'on renvoie la question à Allah. On va au Coran voir et aux messagers. On va voir dans la sunna. Comment quitter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani avec yani la relation yani musulman-musulman. Comment qu'il était? Est-ce que c'est comme dit le mari ou bien c'est autre chose? Ils vont trouver que c'est tout à fait autre chose. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikoum, cher. Donc je vous ai ouvert mon PV si vous pouvez. Akhlas, c'est bon? Non, c'est pas bon. Si vous pouvez m'envoyer un message pour m'ouvrir le vôtre, cher. En attendant, Arfouzi, est-ce que tu es en train d'enregistrer les questions-réponses? Arfouzi, si tu m'entends, si tu peux me dire si tu as enregistré les réponses ou pas. Barakallahu fik. Cher, je vous pose la question pour ne pas perdre de temps. Vous m'avez toujours pas ouvert votre PV. Cher, est-il permis de coiffer des non-musulmans? Car j'ai trouvé une fatwa qui le permet. Quels sont les avis, cher? Barakallahu fikoum. Non, je ne connais pas de réponse à cette question. Car c'est la première fois qu'on me la pose et c'est la première fois que ça me vient yani, à l'esprit. Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ce que, yani, est-ce que on peut coiffer un kafir ou pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Non. Donc, au contraire, moi je demande à la personne qui a dit j'ai trouvé une fatwa, je demande qu'elle nous la fasse parvenir, inshallah ta'ala, pour qu'on apprenne d'elle. On apprenne d'elle une chose nouvelle, bi'idnillahi ta'ala. Mais je pense que ceux qui ont permis ça, je pense que ils ont mis comme condition, à condition que ça soit pas, par exemple, je vais pas coiffer une femme pour qu'elle sorte dans la rue, yani avec sa parure, pour attirer les hommes. Ni, si je dois coiffer un homme, je ne dois pas le coiffer de façon à ce que ce qu'il y a aujourd'hui, la mode par exemple, d'avoir des cheveux d'un côté et de ne pas avoir de l'autre. D'avoir au début, de ne pas avoir derrière et comme ça. Non, je pense que tout cela doit être comme condition. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur. C'est pour une demande de conseil, inshallah. En fait, je connais une sœur qui, avant de venir vivre en France, elle priait, portait le djilbab, et depuis qu'elle est arrivée, elle travaille. Et du coup, a tout délaissé, prière, djilbab, etc. Elle dit que c'est parce qu'elle n'a plus le temps, qu'elle est dépassée. Quel conseil pouvez-vous lui donner pour qu'elle revienne sur le droit chemin? Car elle a dit qu'elle voudrait faire des efforts, mais n'y arrive pas. Jazakumullahu khayran, cheikh. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Le conseil que je donne à cette sœur, si elle m'entend, alors on peut le lui communiquer, bi'idhnillahi ta'ala, c'est quoi? C'est que miskina, c'est une miskina celle-là. Pourquoi miskina? Non. Car elle a gagné ce bas monde au profit et au détriment de l'au-delà. Et ce bas monde, comme il est court, c'est juste quelques jours, quelques mois, quelques années. Et ensuite, un enfer éternel qui l'attend si elle va rencontrer Allah Ta'ala sans salat, sans prière, d'après la plupart des ulama. Je lisais aujourd'hui seulement de Cheikh Ibn Outhaymi rahimahullah. On lui a dit que il y a quelqu'un qui ne prie pas dans la famille, si jamais il meurt, est-ce qu'on l'hérite, ou la, si jamais l'un de nous meurt, est-ce que lui il hérite? Il a dit jamais de la vie. Il a dit si quelqu'un meurt sans salat, il a dit c'est haram pour vous si vous le lavez. C'est haram si vous faites la prière sur lui. C'est haram si vous allez l'enterrer avec les musulmans. Il a dit vous devez creuser un trou dans une forêt, et pour le mettre dans le trou, il a dit vous le touchez même pas avec vos mains. Il a dit vous l'enroulez dans un drap et vous ramenez comme un manche à balai, un manche à balai ou bien un blé, et vous commencez à le rouler jusqu'à ce qu'il tombe dans la fosse. Ensuite il a dit vous remplissez de terre pour que il n'y ait plus de mauvaise odeur. Et il a dit ensuite, il a dit c'est vraiment dommage et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment interdit, il a dit, pour les gens qui viennent nous dire il y a quelqu'un qui est mort, pour que les musulmans prient sur lui et ne disent pas la vérité, ils ne disent pas que c'est quelqu'un qui ne faisait pas la salat pour qu'on prie pas pour lui. Il a dit ceux-là ce sont les tricheurs, ceux-là ce sont les tricheurs, ils trichent. Il a dit s'ils avaient dit que c'est quelqu'un qui prie pas, on n'aurait pas prié sur lui. Pourquoi ils nous trompent, ils disent, ils nous cachent la chose. Je dis à cette sœur Miskina, quand tu as enlevé le djilbab et tu as délaissé la salat, si on va te donner tout l'or du monde, les montagnes d'or, ça ne va te servir en rien. Tu seras malheureuse dans cette vie et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est pas la peine de te dire que tu seras malheureuse. Ça, tout le monde le sait. Quelqu'un qui va rencontrer Allah Ta'ala sans prière, et une femme qui va rencontrer Allah Ta'ala sans voile, c'est pas la peine de lui dire ce qu'il attend. Mais, pour te donner la preuve que dans cette vie aussi, tu seras malheureuse, attends-moi que je te fasse sortir deux versets, Inch'Allah Ta'ala, ou trois. Le premier. Une seconde, je le cherche. Taïb. Premier verset. وَمِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est-à-dire en français. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allahu Akbar. Quiconque se détourne de mon rappel. Cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détournée du rappel. Elle a jeté le djilbab, arrêté la prière. Elle avait le rappel, elle s'en est détournée. Allah Ta'ala a promis qu'elle mènera une vie pleine de gêne, une vie pleine de difficultés, une vie pleine de meshakil. Elle a dit, je suis dépassée. Donc, la prière pour elle et le djilbab, c'était un problème. Elle va voir les problèmes qui vont l'attendre maintenant. Elle va voir les problèmes qui vont l'atteindre aussi. Elle va voir les problèmes que Allah Ta'ala va lui donner. Elle va voir. Pour avoir changé, quoi? Le mal, le bien par le mal. Elle va voir ce qu'il a tombé, idhillahi ta'ala. Et le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud a dit, min arabi dunya, quiconque veut l'au-delà, il fera mal à la dunya. Wa min arad dunya, arad bil akhirah. Quiconque veut la dunya, il va faire mal à son au-delà. Fayaqum adarru bil fani bil baghi. Donc, il a dit, faites mal, à cette vie et non à l'au-delà, comme ça dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et muhim, deuxième verset inshallah ta'ala. Et Allahu Akbar, vous avez remarqué comment qu'il a dit que yawm al-qiyama, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons l'amener aveugle au rassemblement. Quand Allah Ta'ala va nous rassembler, tout le monde va voir, sauf celui qui était bien sûr aveugle dans cette vie, soit aveugle dans l'au-delà. Mais, qu'est-ce qu'il a dit ici? Bien sûr, à condition qu'il soit né aveugle. Ici, il a dit, nous l'amènerons aveugle, en parlant de qui? En parlant de la personne qui voyait. Pourquoi Allah Ta'ala va la ramener aveugle? Parce qu'elle s'est aveuglée du droit chemin. elle s'est aveuglée du droit chemin. Regardez l'autre verset. وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَارِينَ. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous allons lui désigner un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Toute personne qui s'écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura un diable qui sera lié à elle, attaché à elle, inséparable. Quand on a un diable attaché à toi et inséparable, est-ce que tu peux gagner quelque chose? Tu ne gagnes que ce qui met Allah ta'ala, ne gagne que les péchés et les problèmes. Car le diable maintenant est collé à toi. Il est devenu un compagnon inséparable. Pour que quand tu étais sur le chemin d'Allah, le diable ne pouvait bidnallah ta'ala plus rien faire. Il était attaché. Même s'il pouvait, c'était temps en temps seulement. Mais là, khlas, il devient un compagnon inséparable. Allahu Akbar. Troisième chose, je vais ajouter un autre verset important, une seconde. Voilà un verset très important qui va venir. Le verset qui va venir, très important. Cette fois, il n'a pas voulu donner. Hein. Une seconde. Regardez le verset qui va venir. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الى دي وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Regardez ce qui va venir le verset inshallah. Une seconde. طيب. Maintenant, je vais essayer de le copier. Il a dit, le témoin du cours, c'est le dernier. Le témoin du cours, c'est ça. Et vous goûterez l'heure. Pour avoir barré le sentier d'Allah. En fait, et vous subirez un châtiment terrible. En fait, la vraie traduction, c'est pas barré. Il a dit en arabe, c'est-à-dire pour vous être détourné. Voilà la vraie traduction. Allah Ta'ala a dit, vous allez goûter le malheur pour vous être détourné du sentier d'Allah. Et dans l'au-delà, vous subirez un châtiment terrible. Toute personne qui se détourne du chemin d'Allah, surtout, après l'avoir connu, celle-là, comme on a vu tout à l'heure, il y a un diable qui va être connu à elle, et elle va goûter un grand malheur, elle va venir yom al-qiyam aveugle, et elle n'aura que des problèmes, a'udhu billah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. C'est tout ce que je dis à cette sœur. C'est tout ce que je lui dis. Si elle ne fait pas le repentir et regrette et revient vers Allah au plus vite, bi'idna ta'ala, elle va voir les malheurs qui vont lui arriver. Tfaddal. Barakallahu fikoum, cheikh. Je vous précise que ça fait 1h35 que vous répondez aux questions. Une question suivante. À vous de me dire, cheikh, quand on s'arrête. Donc, question suivante, question d'une sœur qui dit, une sœur est atteinte de deux maladies, une maladie au cœur qui peut faire une mort subite et une autre maladie aux yeux qui est génétique, qui fait baisser la vue jusqu'à la perte de la vue. La sœur est très angoissée car elle a des enfants en bas âge et elle voudrait savoir si elle devrait arrêter de faire des enfants en sachant que la maladie des yeux peut sauter une, deux générations ou atteindre les enfants directement. De plus, pouvez-vous faire une nasiha pour le mari qui manque de hikma et de rahma et fait preuve de dureté envers son épouse? Barakallahu fikum, cher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جودي يعني les maladies نعم c'est une chose, ce sont des choses qui sont décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de patienter et d'essayer de se soigner si c'est possible. نعم. On se soigne en faisant des doux à Allah subhanahu wa ta'ala et en allant chez le médecin et acheter des médicaments, etc. Sinon, on doit patienter pour le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous dire que, en fin de compte, ce n'est qu'un bien et que, yani, d'un côté, ça purifie et ça absout les péchés et de l'autre, si vraiment on patiente et on escompte la réponse, on aura des récompenses bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste pour ce qu'elle dit ici, pour les enfants, etc., si elle doit, etc., ce sont les médecins qui doivent lui donner la réponse. Elle demande à un spécialiste dans cette maladie, c'est lui qui lui dit par exemple que tu dois arrêter car c'est dangereux pour les enfants qui vont venir ou c'est pas dangereux. Naam. Elle doit revenir dans ce cas à un spécialiste. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Was'alu ahl al-dhikri, fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. » On doit demander aux spécialistes bi'idhna ta'ala qui doivent lui donner yani, la nasiha. Ensuite, elle dit, le mari qui manque de hikma et rahma fait preuve de lui envers son épouse. Naam. Je dis à ce mari, naam, c'est dans les épreuves et dans les grandes épreuves naam, qu'on doit montrer qu'on est uni. Naam. Comme dans le hadith qui dit que le musulman pour le musulman, c'est comme le bunyan, c'est comme yani, la bâtisse, ça tient l'un l'autre, ça tient l'un l'autre. Maintenant, si ce n'est pas dans la maladie et dans la grande épreuve, si ce n'est pas nam, si ce n'est pas dans les grandes épreuves que je trouve le conjoint, que l'épouse trouve son époux et que l'époux trouve son épouse. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Donc je dis à cet époux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont une amana chez vous. Ce sont des prisonnières. Des prisonnières chez vous. Hein? En ce sens, c'est-à-dire qu'on devrait bien sur laquelle on sera yani, questionné au Qiyama, sur laquelle on sera questionné au Qiyama. Ensuite, les plus hâte, c'est pour cela que yani, il devrait bien l'aider à surmonter cette épreuve. Et quand il l'aide, il fait dans son intention que c'est s'habite et que lui aussi ça peut lui arriver et qu'il peut tomber dans une épreuve et une grande maladie et qu'il souhaitera que son yani qu'il y ait quelqu'un qui l'aide et il souhaitera que sa femme soit avec lui. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani lui donner la hikma et unir entre leurs cœurs dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Barakallahu fikoum cheikh. Je reviens donc sur la question de la sœur de tout à l'heure qui demandait. Je viens vous poser une question de la part d'une sœur. Voilà, j'aimerais savoir si je peux changer de tuteur, sachant qu'actuellement c'est mon grand-père, mais je n'ai vraiment pas confiance en lui. En plus de cela, il a les caractéristiques de l'hypocrite, et sa femme me confie que des fois, il disait avoir fait la salate, alors que non, il en saute. Et donc la sœur a dit que c'est son tuteur qui va la marier, Inch'Allah, actuellement, donc c'est son grand-père, le seul à faire la salat dans la famille. Donc apparemment, dans la famille, personne d'autre ne fait salat. Le tuteur, comme vous savez, on commence toujours par le père. Si c'est pas le père, c'est le grand-père. Et c'est le grand-père, et il fait la salat. Même s'il saute de temps en temps, ça ne fait rien. S'il saute de temps en temps, le mohim, à la base, il fait. À la base, il fait pour sortir de la divergence qui dit que celui qui ne l'a fait pas, il est kafir. Donc celui-là, il l'a fait. Reste que de temps en temps, il la saute. De temps en temps, il groupe. De temps en temps, il ne prie pas une ou deux salates. Et comme ça, les savants ont fait la différence. Celui qui fait comme ça et celui qui ne l'a fait pas du tout. Nam. Qu'est-ce qui va faire ton tuteur? Ton tuteur, c'est pas lui qui va se marier avec X ou Y. Ton tuteur, c'est lorsque tu trouves quelqu'un qui convient, il t'aide pour de l'aqd. Le jour où vous faites, il y a l'aqd, où il y aura les deux témoins et le grand-père qui dit, moi je donne ma petite fille. Maintenant, si jamais ce tuteur ne plaît pas, par exemple, eh bien que vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander qu'il donne la tutelle à une autre personne, c'est tout. Tu lui envoies quelqu'un, ou là ta mère, ou là, qu'elle lui dit, par exemple, s'il peut la donner la tutelle à X, à un frère, machallah, ou à un imam, ou là. Ma'alish, s'il donne la tutelle, il la donne, yani comme ça, avec hikma et sagesse, il vous la donne, bi'l-natala, il lui choisit une autre personne, il la lui donne, c'est tout. Mais il faut que la personne à qui il donne, qu'elle remplisse les conditions, bi'l-natala, na'am, tfadda. Barakallahu fikoum cheikh. Question d'une sœur qui dit, voilà cheikh, je suis en première année lycée et je voudrais porter le sitar. Mais mes parents ne veulent pas à cause de mon jeune âge. Que pourriez-vous me leur conseiller? Barakallahu fikoum. En fait, alaykoum salam, en islam, il n'y a pas de jeune âge. En islam, un garçon atteint 15 ans, ou alors devient pubère, maximum atteint 15 ans, khlas, c'est une femme et un nom pour l'homme. La preuve, il y a chaque péché qu'ils font maintenant, c'est écrit contre eux. Non. On me dit qu'on m'entend pas. On me dit qu'on m'entend pas. On m'entend pas. Alhamdoulilah. C'est beaucoup. Dommage pour aujourd'hui. شيخ تفضلوا شيخ نفوفو إن شاء الله. Cher, est-ce que vous êtes avec nous? Donc dites-moi ce qu'on doit faire parce qu'on ne vous entendait pas à la fin, donc je ne sais pas si vous avez répondu ou pas, si je dois poser une question ou pas. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Vraiment, il y a beaucoup de coupures. Qaddar Allah ma sha fa'al. Donc, je disais à la personne que. Yani maintenant. Elle voit avec ses parents. S'il la laisse pas mettre le sitar, l'âme, alors qu'elle le mette pas devant eux. Quand elle est dans la rue, elle le met. Même quand elle vient à la maison, elle l'enlève, car elle n'a pas d'autre solution. L'âme, elle joue entre les deux. C'est-à-dire quand elle peut, elle. Elle le met. Et quand elle sait que elle nettoie de Sheikh Fawzan sur la personne qui pouvait pas mettre le djilbab. Tfadlal. Barakallahu fikoum, Sheikh. Question d'une sœur qui demande. Sheikh, qu'Allah vous fasse miséricorde et vous accorde le paradis à vous et les admins. J'aimerais me marier et j'essaye avant tout de faire les causes et demander à Allah avant de demander à la créature. Ensuite, en faisant les causes nécessaires. Mais en ce moment, je tombe sur des gens qui agissent comme s'ils ne craignaient pas Allah. Elle cite ensuite certains cas et elle dit « Donc j'ai beaucoup d'ouswas et je sais que c'est le décret d'Allah. J'ai des ouswas des fois et j'ai peur d'avoir mauvaise pensée à cause du comportement de certains. Et ma question est, que dois-je penser de ça? Que me conseillez-vous? Car les frères commencent à vraiment me faire peur en 2013 et on voit tout. » Barakallahu fikum, hayakum Allah, et cher. Non. Attends, il y a des choses importantes dans la question. Peut-être que tu n'as pas toi, Allah Alam. Non. Elle dit que je suis tombé sur un frère qui me trouve trop pieuse pour lui parce que je mets en condition de faire la hijra ou partir étudier. Ou alors qu'il voulait mettre le sitar. Ou alors que je fasse le lavage mortuaire. Car cela est vraiment important pour moi, etc. J'ai beaucoup de soins et je sais que c'est le décret d'Allah. Mais j'ai des ouswas et des fois j'ai peur d'avoir mauvaise pensée à cause du comportement certain. Et ma question est-ce que je dois penser Que dois-je penser de cela? Que me conseillez-vous? Car les frères commencent à me faire peur. Elle dit en 2013, on voit de tout. Nam. Une sœur, quand elle veut se marier, elle met son destin et son affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'en remet à lui, Nam, et demande de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de sœurs croient que, en faisant ce qui est interdit, c'est-à-dire en connaissant un homme, ou bien on se téléphone, ou bien elles disent, comme disent les kofars, comme ça, quand je le connais bien, il me connaît bien, quand on Alhamdoulilah, ça va marcher. Alors que c'est pas vrai. Pourquoi? Car comme on dit en arabe, ma bouniya ala batil, fa huwa batil. Ce qui a été basé sur l'invalide sera invalide. Déjà le mariage, son début était faux. Vous avez fait connaissance avant de quoi? Avant de vous marier. Donc c'est un peu comme les kofars, comme les fiançailles, etc. En islam, non. Naam. On dit je veux me marier, je dis à mes voisines, à mes tantes, à mes copines, à mes ceci, à mes cela, et il m'envoie quelqu'un. Quand il vient, on fait directement muqabala. Il vient me voir chez mes parents, naam, ou alors au maximum dans la rue, sans me parler. Je me mets debout, il passe devant moi, on lui dit c'est celle-là qui est habillée là-bas avec djilbab noir. Il passe devant elle, il la voit. Alhamdulillah. Ensuite, Allah Ta'ala va donner la barre dans cette union. Celui qui est marrage, il va pas marcher, ça va patiner, il reste toujours dans le même endroit, patiner, avoir des souhaits, ceci, cela. Je donne une nasiha à cette soeur, elle oublie tout ce qui est passé, elle commence à nouveau, tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un qui remplit les conditions dans le din et qui lui convient dans le caractère, et Elle fait des causes, elle demande à ses amis, à ses soeurs, à ses tantes, aux voisins, aux voisines de l'aider pour qu'il lui envoie quelqu'un, inshallah ta'ala, faire la muqabala, qui serait intéressé, yani, qui voudrait se marier. Et Allah ta'ala lui fera une solution. Elle laisse Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait marcher les choses, bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider cette soeur et toutes les autres, naam, qui veulent se marier, un mariage islamique, et leur faire la baraka dans leur union. Naam, tfaddal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question d'un frère qui dit, je vous expose à la situation d'une sœur qui est lourdement éprouvée par son ex-mari. En effet, elle est en cours d'annulation de mariage, car d'après certaines preuves, il aurait eu un profit pour avoir des papiers. Cette sœur mène énormément de démarches pour que son mariage soit annulé, mais cela l'affaiblit dans sa foi, elle se sent trahie et le sentiment de haine et de vengeance prend le dessus. Quel conseil pouvez-vous lui donner, car elle se sent vraiment abandonnée et seule dans ces épreuves qui lui causent du tort chaque jour. Jazakallahu khaira pour le temps que vous nous consacrez. Naam, alaykoum salam. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, je comprends le cas de cette sœur. Et elle a raison d'être chagrinée, d'être mal à l'aise, d'avoir le cœur gros, car c'est une épreuve. Quand on fait confiance à quelqu'un, on se marie avec lui, ensuite on découvre que, en fait, il ne s'est mis que pour, yani, des intérêts, que pour les papiers, que pour ceci, pour cela, vraiment, yani, c'est une fitna. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala rétribuer cette sœur en mieux, en bien, et l'aider à patienter, à surmonter cette épreuve. je lui rappelle le verset qui dit, le verset qui dit وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان رب la fin qui nous intéresse dans ce verset. Regardez la fin. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient. Regardez maintenant le témoin du corps. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Est-ce que vous allez endurer avec constance? Allah Ta'ala, ton Seigneur, demeure clairvoyant. Je répète, nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Chacun de nous est une épreuve pour une autre personne, et une autre personne est une épreuve pour moi, et comme ça. Ici, Allah Ta'ala a fait de ton mari une épreuve pour toi. Pourquoi? Endurerez-vous avec constance? Tu vas patienter? Ou bien tu vas dire, c'est quoi ce destin? C'est quoi? Hein? C'est moi seul qui n'ai pas de chance, tout le monde, ceci, cela. Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ou bien tu vas dire, قدر الله ما شاء فعل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. Si tu dis comme ça, comme Salama, quand son mari est mort, رضي الله تعالى عنها, elle a dit, et qui peut être mieux que que mon mari? Et elle a fait le doigt, اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, quiconque dit cette doua, Allah Ta'ala lui donne mieux. Et ensuite, dans son cœur, et Allahu Akbar, quelques jours, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est venu lui demander sa main et s'est marié avec elle. Allahu Akbar. Donc toi, c'est la même chose. Tu vas endurer dans cette épreuve ou tu n'endures pas? Si tu endures et tu fais la doua, Allah Ta'ala ne te fera que du bien, ne te donnera que du bien, et tu sauras après quand le chagrin partira et la colère, tu sentiras que, en fait, c'est un bien pour toi de te séparer de cet homme. C'est un grand bien même. Et que ce qui va venir sera encore meilleur. Naam. Et que c'est juste, il y a une fitna qui va passer. Et Allah Ta'ala t'a montré ce qu'il vaut. Qu'il ne valait rien. C'était seulement quelqu'un qui cherchait des intérêts. Et que si tu vas pas sentir, Allah Ta'ala va te donner mieux. Et aussi lui, il va recevoir une leçon bi-idhnillah ta'ala. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cheikh. Question d'un frère. Un frère dit qu'il a lu que le hadith, celui qui accuse son frère d'un péché, ne mourra pas avant qu'il le fasse. Il a entendu que ce hadith était maudou. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, cheikh, et qu'en est-il vraiment? Pas entendu la fin, est-ce que vous pouvez quoi? En fait, qu'en est-il de ce hadith? Est-ce qu'il est vraiment maudou? Naam, le hadith est maudou. Le hadith est maudou. Maudou, ça veut dire fabriqué et forgé, bien sûr. Je vais vous Je vais vous afficher le hadith ici, inshallah ta'ala, une seconde. Je vais vous afficher le hadith, inshallah ta'ala. Une seconde, car maintenant le pastoc n'affiche pas tout. N'affiche pas tout. Une seconde. Donc vous voyez le hadith. Man ayyara akhi, quiconque, yani, comment qu'on dit ayyar, c'est-à-dire, comment qu'on dit, par exemple, quelqu'un qui est aveugle, il se moque de lui, quelqu'un qui a un défaut, il se moque de lui, et comme ça, il rit de lui. Il a dit quiconque, yani, se moque, disons, de son frère pour un péché. Il a dit qu'il ne mourra pas avant que cette personne ne fasse elle-même le péché. Il a dit c'est un hadith forgé, menti, voire 5710 daif jama. Tfadl. Barakallahu fikoum, cheikh. Barakallahu fikoum, cheikh. Je passe à la question suivante. Je pense que ce sera la dernière. Question d'une sœur qui d'un frère qui demande Allah yajazikoum pour tous les cours et le temps que vous nous donnez. Enfin, je croyais que vous ne m'entendiez pas. Ma femme et moi avons une question sur la hijra, s'il vous plaît. Nous désirons faire la hijra, inshallah. Nous habitons en Belgique et nous avons une fille et trois garçons. Alhamdulillah, ils font la prière, le jeûne, etc. Mais concernant la hijra, les deux enfants plus âgés, c'est-à-dire une fille de 19 ans et un garçon de 17 ans, ne veulent pas aller au Maroc. Cheikh, notre question est, que doit-on faire? Partir et laisser nos enfants dans ce pays de Kufr? Ou bien attendre qu'ils se marient, sans oublier qu'on a encore deux autres enfants de 12 ans et 19 ans? Notre souhait est qu'on parte tous. On ne désire pas que nos enfants restent en Belgique. Doit-on les laisser dans ce pays et partir, alors qu'on est responsable d'eux? Allah subhanahu Allah et Jazekoum pour votre réponse ainsi que les admins. À la fin, il fallait lire, sans oublier qu'on a encore deux enfants de 12 ans et 9 ans. 9 ans et non pas 19 ans. Non. Avant cela, il y avait une question. Non, il y avait une question. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc je voyais Fawzi avec le micro. Peut-être il savait pas, mais je le voyais avec le micro. C'est pour cela que je l'ai raidé, bi'idhnillahi ta'ala. Je dis, est-ce que vous avez entendu la question sur le rost? Jazairi, est-ce que vous avez entendu la question sur le rost pour ne pas la répéter? Une sœur dit, concernant le roast du vendredi, la femme est-elle obligée de se laver entièrement ses cheveux, comme le roast qu'elle fait à la fin de ses menstrues, ou bien peut-elle les laisser attacher comme au roast de la Janaba? Je dis, Allah Ta'ala Alam, que seulement pendant les menstrues, c'est pendant ce roast-là qu'elle doit détacher ses cheveux. C'est pendant ce roast-là qu'elle doit détacher ses cheveux. Quant au roast de la Janaba, je pense que le roast de Jumwa aussi, c'est un roast pour yani, beaucoup de savants qui n'est pas obligatoire pour beaucoup de savants. Non. De toute façon, si elle va à la mosquée, comme vous savez, ce n'est pas la peine qu'elle prie, qu'elle se lave, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, pour la dernière question sur la hijra qui est très importante, là, qui vraiment pose un problème. Comment qu'on fait quand on a une fille 19 ans et un garçon 17 ans qui ne veulent pas aller au Maroc? Et en principe, s'ils ne veulent pas aller au Maroc, c'est tout simplement et surtout à cause du din. Si vraiment yani, ils étaient impliqués dans la religion, ils auraient aimé quitter le pays de Kofr. Mais maintenant qu'ils sont tout juste légers dans le din, yani, ça ne les intéresse pas. Donc, surtout, yani, à cet âge-là, 17-19 ans, on vient juste d'ouvrir les yeux pour la vie, la belle vie qu'il y a en Europe. La belle vie, entre parenthèses, de haram et de jahannam. Naam. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on part, on les laisse, c'est vraiment quoi? C'est vraiment yani, le grand problème. Non, on va les laisser en proie. En proie à quoi? Yani, à tous les péchés du monde. Et si on reste avec eux, donc on va vite. Surtout qu'on a aussi d'autres enfants, yani, de petits enfants. Et on veut les sauver. On veut les sauver. C'est comme ça, quand on veut le sauver, car il va s'habituer et yani, à tout ce qu'il y a comme amusement, ensuite, quand il va grandir comme ça, c'est vraiment difficile. Mais quand il est jeune, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans, il n'a pas encore compris, c'est là l'occasion ou jamais de partir yani, et de l'éloigner du pays de coffre. Naam. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala alam. Si je dis juste, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dis de faux, c'est de chez moi. Dans un cas pareil, le cas que vient de citer le frère, on va essayer d'abord, naam, de quoi? De les convaincre, ce garçon et cette fille. De leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous manquera rien là-bas. Naam. Inch'Allah ta'ala, yani, faites ça yani, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a demandé de partir des pays de Kofa, ceci, cela. On va leur faire une exhortation. Deuxième chose, on va faire beaucoup de doigts. Car les cœurs de tous les êtres humains sont entre deux doigts d'Allah ta'ala. Vous devez dans chaque soujoud faire des doigts que Allah ta'ala renverse leur cœur vers yani, le départ. Pour qu'ils acceptent le départ de ce pays de Kofa. Et on le sait, yani d'une doua à l'autre, Allah Ta'ala peut exaucer. Donc, je n'arrête jamais de doua et je ne dis pas que j'ai fait, ça n'a pas donné. Non, fais des doua. Peut-être que la doua que tu vas faire aujourd'hui, peut-être qu'elle va être exaucée. Naam. Et ensuite, si ça ne marche pas, la qaddar Allah, ils sont toujours dans leur position et ça ne marche pas, je dis, Wallahu alam, vous devez voir, est-ce que si vous allez rester avec eux et retarder la hijra quand vous mariez, etc., est-ce que vous serez une cause pour qu'ils s'éloignent des péchés? Est-ce qu'en restant, vous êtes sûr que ils vous obéissent, ils ne font pas les péchés, ils ne sortent pas avec X, Y, etc. Si c'est comme ça, ma'alish, de retarder un peu la hijra, puisse Allah Ta'ala vous faire une solution très prochainement. Non. Mais si vous savez que dès maintenant, vous ne les commandez pas. Ils font n'importe qui, la fille sort à n'importe quel moment, et ceci, et cela, et le garçon, khlas. Donc, dans ce cas, à quoi ça sert de rester avec eux? Vous avez compris? Si vous savez que vous ne pouvez rien faire dès maintenant, khlas. Ils ont toute leur liberté, c'est trop tard. Il y a des familles qui sont comme ça, les enfants, khlas. Ils ne peuvent plus avoir pression sur eux. Si c'est comme ça, ils vont mieux partir. Car à quoi ça sert de rester dans... Je disais, mais si vous savez qu'on reste, inshallah ta'ala, vous pouvez faire quelque chose, yani au moins diminuer le mal, au moins, vous patientez encore un peu. 6 mois, une année, en faisant des doua, en leur parlant, ceci, cela, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, fera un bien, et vous donnera un bien. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tout puissant, de raffermir leur cœur, et de le faire pencher vers la hijra. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant de renverser leur cœur vers la hijra et de leur faire accepter la hijra et de leur faire même souhaiter la hijra. Amin ya rabbal alamin. Subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre inshallah ta'ala samedi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.